disais tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de projets entre art et sciences, mais j'ai, disons, un peu mon leitmotiv, ma marotte, le projet sur lequel je raccroche tous les autres, directement ou pas, ou conceptuellement en tout cas, s'appelle le générateur poétique. C'est basiquement un jeu collectif que j'ai imaginé en 1986. Donc ça date pas d'hier. Et que j'ai prototypé dès 1987 en utilisant ce qui existait à l'époque comme réseau pour organiser une interaction collective temps réel, à savoir à l'époque c'était en France le Minitel, tout simplement. Donc ce petit jeu, ce générateur poétique que j'ai prototypé dès la fin des années 80, j'en ai fait de multiples versions techniques. Je l'ai expérimenté dans nombreuses conditions, que ce soit dans des musées ou en pleine nature, ou enfin des endroits très bizarres, ou dans des laboratoires avec des gens, ou dans des classes avec des enfants. Et ce petit jeu, donc il faut que j'explique un petit peu son principe. Le principe est extrêmement simple. Il s'agit de proposer à un groupe éventuellement étendu de plusieurs dizaines, voire centaines de personnes, de dessiner ensemble sur une même image. Alors, pas n'importe comment, simplement en permettant à chacun de manipuler un petit bout de cette image, de le dessiner dessus, avec une petite palette graphique très simple. Et le principe, c'est que chacun voit tout. Et chacun modifie juste sa petite portion d'image, ne peut pas intervenir sur les portions d'image, manipulées par les autres. Donc chacun modifie son signe en fonction de l'état global de l'image, et l'état global de l'image varie en fonction de l'action de chacun. Alors, il se produit une sorte de boucle, on dit cybernétique, une boucle de rétroaction entre le local, le niveau local et le niveau global, qui fait que l'image s'auto-organise petit à petit et passe d'un stade chaotique. Alors, je parle souvent d'une macédoine de légumes, quelque chose qui n'a pas de, hein, qui est indescriptible, à part dire c'est le chaos, on ne sait pas dire quoi autre chose, à quelque chose qu'on peut décrire. On peut dire par exemple c'est un cheval. Et au bout d'un moment, effectivement, tout le monde va pouvoir dire c'est un cheval. Personne n'a décidé qu'un cheval arriverait sur l'image, puisque chacun ne manipule qu'un tout petit bout du cheval. Mais arrive par exemple un cheval ou n'importe quoi d'autre, une voiture, un paysage, ou une figure abstraite, je sais pas, un Mondrian, un Paul Klee, quelque chose qui ressemble à ça, qu'on peut nommer, enfin qui rappelle des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que ce cheval qui est apparu à l'insu de tout le monde, mais avec tout le monde, se met à vivre d'une vie, non pas de cheval, mais d'une vie de représentation collectif de cheval. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est étudier la vie des représentations. Comment ces choses qu'on peut appeler égrégores arrivent de nulle part et comment elles se mettent à muter et à raconter des histoires que chacun peut interpréter. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est au bout d'un moment, par exemple, si le cheval apparaît, il lève la patte, je sais pas quoi, il cligne de l'œil, il lève la queue, que sais-je, un cavalier arrive dessus, bon, il y a une petite histoire. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, peut-être les gens ont l'impression d'avoir exploré toutes les possibilités de mutation du cheval en question. Alors, soit il va muter en taureau ou en je ne sais pas quoi, soit il va en fait exploser brusquement. Par exemple, si quelqu'un avec son petit signe coloré détient par exemple l'œil du cheval ou un endroit un peu stratégique, cette personne-là, au bout d'un moment, va vouloir se manifester, enfin se différencier des autres. Il va par exemple se mettre son signe tout rouge et le cheval ne ressemblera plus à rien avec cette espèce de carré rouge au milieu du museau. Et puis d'un seul coup, tous les autres vont se désolidariser du cheval et on va sombrer dans le chaos. Et donc, il se produit dans ce petit jeu une sorte de passage, de mouvement assez récurrent entre le chaos et une forme d'organisation définissable par tout le monde, et puis un retour au chaos. Donc il y a un mouvement assez régulier, mais à l'intérieur de ce mouvement, personne n'est capable de savoir dans la seconde ce qui suit, ce qui va se passer. Donc ça, c'est mon projet leitmotiv sur lequel je travaille depuis très longtemps, presque 30 ans, que j'ai un peu laissé tomber un peu à l'abandon pour faire d'autres choses, et puis que je suis en train de relancer depuis 2 ans, puisque les technologies ayant évolué, les téléphones mobiles, etc., ça permet de maintenant imaginer, en fait, mettre ce petit jeu entre les mains de tout le monde, puisque tout le monde a plus ou moins un smartphone entre les mains maintenant, plus ou moins. Depuis peu, on peut jouer de n'importe où sur la planète avec son smartphone dans ce jeu et observer de partout cette image collective qui est façonnée par des gens qui viennent d'on ne sait où, qui peuvent intervenir de manière anonyme. Image qui donc raconte une histoire et qu'on peut projeter, puisqu'elle est disponible partout, où on veut, par exemple dans son salon, un peu comme un petit feu de bois numérique, ou comme un économiseur d'écran sur son ordinateur, ou bien projeté dans la ville, sur des bâtiments. Et puis on peut utiliser son signal pour faire plein de choses, etc. Ouais, ce projet, ce générateur poétique m'a amené à réfléchir entre autres à la question de la monnaie. En observant le réseau qui fabrique cette image collective, je me suis dit que si, par analogie, on pouvait regarder, enfin disons, à la lumière de ce réseau et de ce dispositif, en regarder beaucoup d'autres, notamment les marchés financiers, qui fonctionnent un petit peu de cette manière, puisque les marchés financiers, c'est un système d'interaction collective qui produisent des valeurs émergentes, par exemple des indices boursiers, le Nasdaq, etc., ou le CAC 40 ou autre, qui montent et qui descendent, ces valeurs émergentes sont interprétées par tous les acteurs qui vont décider d'acheter, de vendre ou de ne rien faire. Évidemment, leur action va être immédiatement incorporée dans ces indices que ces gens observent, et on observe exactement la même boucle cybernétique que dans le générateur poétique. Alors, donc on n'est pas directement là sur la question de la monnaie, mais je vais y venir. Ce qu'on peut observer dans les marchés financiers, c'est que on est arrivé depuis, disons, peut-être un siècle ou deux, à créer des sortes de réseaux planétaires d'échanges commerciaux, monétaires et autres, de valeurs, qui se sont informatisés ces quelques dernières décennies, qui ont été robotisés d'ailleurs, puisqu'il y a maintenant du high frequency trading, etc. Tout ça, en fait, a été poussé par la rationalité instrumentale, aller toujours plus vite, être toujours plus efficace, gagner plus, évidemment. Et on a fabriqué un gigantesque système d'interaction collective temps réel, à l'échelle planétaire, qui fabrique des valeurs qu'il est absolument impossible de prévoir dans la seconde qui suit, et qui, en gros, raconte des histoires un peu comme mon générateur poétique. À la différence près qu'on est dans les marchés financiers, pieds et poings liés à cette espèce de chose, cet égrégore qui monte, qui descend, qui monte infiniment, puis qui se casse la figure, et qui fabrique des bulles, etc. Alors que dans mon générateur poétique, c'est absolument sans conséquence, et on peut calmement regarder ce qui se passe. Voilà, donc c'est un peu l'idée du générateur politique de créer une sorte de modèle accessible à tous et sans conséquence aucune, de tas d'autres phénomènes à l'œuvre partout, entre autres donc les marchés financiers, mais aussi les médias, la guerre, la politique, le foot, enfin, la conversation, enfin toutes sortes de systèmes d'interaction collective qui sont partout, qui sont de plus en plus automatisés, informatisés, robotisés, mais pour lesquels on n'a aucun modèle. On ne sait pas pourquoi on le fait, si ce n'est il faut aller plus vite, etc., il faut gagner plus, etc. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Au fond, pourquoi? Et puis, où ça va? On ne sait pas. À qui ça profite, on peut se douter un peu. Mais voilà. Et voilà, c'est un petit peu ça l'ambition de ce générateur, de créer un modèle accessible vraiment à tout le monde, compréhensible par les enfants, ou les analphabètes, ou même les polytechniciens comprennent, voilà, une sorte de métamodèle accessible à tout le monde, de tas d'autres phénomènes qui sont à l'œuvre partout dans la vraie vie, entre guillemets, et auxquels on est en général pieds et poings liés.